Delphine fut émue et pleura en mettant la tête sur le cou de sa sœur. « Tout est donc vrai, » dit-elle. Anastasie baissa la tête. Madame de Nucingen la saisit à plein corps, la baisa tendrement et l'appuyant sur son cœur. « Ici, tu seras toujours aimée, sans être jugée, » lui dit-elle. « Mes anges, » dit Goriot d'une voix faible, « pourquoi votre union est-elle due au malheur ?»« Pour sauver la vie de Maxime, enfin, pour sauver tout mon bonheur, » reprit la comtesse, encouragée par ces témoignages d'une tendresse chaude et palpitante, « j'ai porté chez cet usurier que vous connaissez, un homme fabriqué par l'enfer, que rien ne peut attendrir, ce monsieur Gobseck. Les diamants de famille, auxquels tient tant, monsieur de Restaud, les siens, les miens, tout, je les ai vendus. Vendus, comprenez-vous ? Il a été sauvé. Mais moi, je suis morte. Restaud a tout su. Par qui ? Comment ? Que je le tue ! Cria le père Goriot. Hier, il m'a fait appeler dans sa chambre. J'y suis allé. Anastasie, m'a-t-il dit d'une voix. Oh, sa voix suffit, j'ai tout deviné. Où sont vos diamants ? Chez moi. Non, m'a-t-il dit en me regardant. Ils sont là, sur ma commode. Et il m'a montré l'écrin qu'il avait couvert de son mouchoir. Vous savez d'où ils viennent ? M'a-t-il dit. Je suis tombé à ses genoux. J'ai pleuré. Je lui ai demandé de quelle mort il voulait me voir mourir. Tu as dit cela ? S'écria le père Goriot. Par le sacré nom de Dieu, celui qui vous fera mal à l'une ou à l'autre, tant que je serai vivant, peut être sûr que je le brûlerai à petit feu. Oui, je le déchiqueterai comme...